J'ai beau me plaindre et dénoncer depuis 20 ans, c'est les mêmes hommes politiques éreintants qui arrêtent pas nous défoncer, ça passe un temps. Nous on le sait, mais pas eux, c'est par Satan. Tu vas s'en plaindre, car bosser et marteler en 20 ans, ça fait chindre. Je connais la population, elle aimerait foncer, pas dans votre mur éteint. Un temps, on dit ce qu'on sait, t'es partant pour des conforts, surtout shoot des bas années. Je fais en t'écartant, conscient que j'ai pas la peau la plus foncée, non. Ta politique prend des allures de fusillade. J'ai vu que 3 hommes gagnent plus que des milliers, bah j'aime pas ta triade. Tout ce que tu sais faire, c'est trier, ensuite éliminer. Pour nous entendre crier, nous les hommes, les femmes et les minots. Et pendant ce temps, les cheminots cherchent des bombes sur les rails. Ta famille est à l'abri, tu seras pas là au funérailles. Ou bien tira, histoire de faire le mec embarrassé. Babylone a tout embrassé, les mecs comme toi faut s'en débarrasser. Serré pour fraude par un agent ou des mots de vocabulaire. Tu l'as félicité avec ton air patibulaire. Et pendant ce temps, y'a de la sodomie en cellule et pas ta freine. Tous ces métages y partent, parce que ça fait partie de la peine. T'as des curés plus de pute sur les trottoirs, mais c'est fou ce qui reste comme keuf. Tu trouves ça dur, vas-y censure. Mais qu'est-ce que tu veux quand on les croise, on est du gibier. Des cons sur Poltan, quelle importance. Demain y'aura 30 nés. Tu dis la compasse, mais tu la crées. Tu le vois pour être prêt. Tes CRS sont sacrés. Tu dis vouloir du contraire. Tu la compas car tu la crains. Tu veux nous briser les reins. T'aimes pas trop tout ce qui est brun. T'aimerais bien remplir les trains. Tu dis la compasse, mais tu la crées. Tu le vois pour être prêt. Tes CRS sont sacrés. Tu dis vouloir du contraire. Tu la compas car tu la crains. Tu veux nous briser les reins. T'aimes pas trop tout ce qui est brun. T'aimerais bien remplir les trains. Propagande, une grosse blague à l'heure de voter. Regarde, ils ont la dalle, ils prennent même plus le temps de se cacher. Je dis, ils ont la dalle et les dommages à considérer. Ça touche toi, tes gosses, tes gosses. C'est international, ils sont tous d'accord, te trompe pas. Ils veulent pas que tu crèves, mais tu leur apportes, te trompe pas, tes potes ou pas. Mais les quatre coins du globe, c'est le bif. Jusqu'en bas de tes murs, là où se vend bien la coke, c'est le bif. Arrête de croire qu'on te montre, t'es pas une puce, y'a rien de vrai. À part la mort, ta vie, ce que t'en as fait, ce qui vient après. Au fait, nique ton rap, il nous fait plus de mal qu'une balance. À cause d'alchimie radicale, dans je pense. Une balle, une fenêtre, voire un couteau. Ça cherche un échappatoire, une façon de partir plus tôt. Un drame, un braquage, un règlement de compte. 6 du mat, overdose dans une cave après une soirée funk. Tu dis la compasse, mais tu la crées. Tu le prends pour être prêt. Tes CRS sont sacrés. Tu dis vouloir du concret. Tu la compas car tu la crains. Tu veux nous briser les reins. T'aimes pas trop tout ce qui est brun. T'aimerais bien remplir les trains. Tu dis la compasse, mais tu la crées. Tu le prends pour être prêt. Tes CRS sont sacrés. Tu dis vouloir du concret. Tu la compas car tu la crains. Tu veux nous briser les reins. T'aimes pas trop tout ce qui est brun. T'aimerais bien remplir les trains. Dans ton fameux pays, y'a un suicide toutes les 40 minutes. C'est anormal et ton système nous limite. Quand on milite, c'est notre lutte. Car les droits de l'homme s'absent, ton système pénitentiaire. Car ta logique autoritaire, c'est qu'une fois que t'es puni, t'en sors. Présomption d'innocence ou de culpabilité, c'est pas la question. Pour toi, c'est la présomption de débilité. Les pédophiles agissent, mais t'enfermes les fumeurs de cône. Tu confisques les scooters, putain, faudrait te castrer les neurones. Et condamner tes narines, car ça sniffe la connerie au grand jour. Y'en faut pour laisser le Rwanda 800 000 morts en 100 jours. Y'en faut pour parler de tête envers les anciennes colonies. Putain, mais avoue-le que t'as un problème avec les coloris. Tu parles république, démocratie et laïcité. Mais t'as créé des ghettos, putain, avoue que tu l'as élacité. Y'a une école, tu parles de zone d'éducation prioritaire. Pourtant y'a plus de réussite à Paris 5 qu'à Nanterre. Donc tu veux nous bluffer avec tes petits discours, nous étouffer. Nous dire que t'as tout fait, mais jamais dans les yeux tu viens nous chauffer. Prime pour l'emploi, depuis que t'es sûr que l'emploi y'en aura pas. Et qu'on nous casse ça, si tu coupes les allocs, elle aura en pas, man. T'es qu'un sauvage, tu te crois dans un safari. Mais la chance ça varie, quand t'auras plus tes fonctions ça varie. France d'en haut, celle qui nous a pété les gencives hier. Aujourd'hui radical veut nous voir simplement en civière. Tu la compas, mais tu la crées. Tu le prends pour être prêt. Tes CRS sont sacrés. Tu dis vouloir du contraire. Tu la compas car tu la crains. Tu veux nous briser les reins. T'aimes pas trop tout ce qui est brun. T'aimerais bien remplir les trains. Tu dis la compas, mais tu la crées. Tu le prends pour être prêt. Tes CRS sont sacrés. Tu dis vouloir du contraire. Tu la compas car tu la crains. Tu veux nous briser les reins. T'aimes pas trop tout ce qui est brun. T'aimerais bien remplir les trains. Ensuite tu viens me parler d'insécurité. Mais qu'est-ce que tu connais toi au chômage, à la précarité. T'as un plan de carrière mais pas le plan social. En réalité t'étonnes pas que ça braque. En bas on a la dalle, en bas on a des gosses qui comprennent vite que c'est pas normal. Qui se font rapidement des ennemis, qui trouvent des cibles inadmissibles. Qu'on se fasse enfermer par les cailleurs à les plus visibles. Alors laisse-moi exprimer ma rage avant qu'on retrouve mon corps bizarrement sur une voie de garage. Car t'es pas en sécurité quand tu t'exprimes. Visé par un lobby ou par l'état lui-même quand tu le baises à la racine. Bien nuage champ fin, bien nuage champ fin, bien nuage champ fin, bien nuage champ fin, bien nuage champ fin.